Enseignement par le vénérable Sayadaw Upanasamy. Retraite de méditation Vipassana, centre d'Amarantsi. Yes, Lily. We discussed Dhammacakka, the first of Buddha's sermon. In particular, we discussed the Eightfold Path. There are Samadhi, right view or right understanding, Samasangappa, right aim, Samavaccha, right speech, Samagamanda, right bodily action, Samajiva, right livelihood, Samavayama, right effort, Samasati, right mindfulness, Samasmari, right concentration. Hier, nous avons parlé du Dhammacakka, le premier sermon du Bouddha, et plus spécialement des 8 facteurs de l'octuple sentier. Samadhi, la vue juste ou compréhension juste. Samasankappa, l'intention juste. Samavaccha, la parole juste. Samakamanta, l'action physique juste. Samajiva, les moyens d'existence juste. Samavayama, l'effort juste. Samasati, l'attention juste. Samasamadhi, la concentration juste. Ces différents facteurs de l'octuple sentier constituent l'étape finale des 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités sont Dukkha Saccha, Samudaya Saccha, Nirodha Saccha et Magga Saccha. Ces 8 facteurs mène donc à la cessation de la souffrance. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 nobles vérités et nous verrons qu'elles sont toujours présentes lorsqu'on pratique la méditation vipassana. La première noble vérité, c'est la noble vérité de la souffrance, Dukkha Ariya Saccha. On dit Ariya Saccha car la véritable nature de la souffrance ne peut être comprise en profondeur que lorsqu'on a atteint le premier stade d'illumination. Les yogis qui pratiquent la méditation peuvent comprendre la souffrance, mais ils n'en comprennent pas l'entière signification. Quelle est donc cette souffrance dont parle le Bouddha? Lorsque l'esprit et la matière sont produits, au moment de la renaissance a lieu et cette renaissance est appelée souffrance par le Bouddha. Ce mot souffrance n'est pas très apprécié. Les gens en général n'aiment pas ce mot. Ils se plaignent. Vous bouddhistes, vous parlez toujours de souffrance. Selon l'enseignement du Bouddha, cette renaissance est donc souffrance. Reprendre naissance dans le plan humain, dans le plan céleste et souffrance, tout comme reprendre naissance dans le plan animal. Selon l'enseignement du Bouddha, tout dans le monde est souffrance. Nous devons commencer par comprendre le mot souffrance. Revenons au mot pali dukkha, parce que les traductions ne sont pas toujours adéquates. Elles ne recouvrent pas entièrement la signification du mot d'origine. Lorsque nous entendons parler de dukkha ou de souffrance en français, nous pensons immédiatement à la souffrance ordinaire. Lorsqu'on dit qu'il y a souffrance, nous pensons aux douleurs, nous pensons aux souffrances physiques, aux souffrances mentales. Et oui, tout cela est souffrance, c'est facile à comprendre. Mais ce que le Bouddha veut dire par souffrance est beaucoup plus profond que cela. Selon le Bouddha, tout dans le monde est donc souffrance. Même lorsque vous vous amusez, que vous expérimentez des choses agréables, que vous avez de bonnes relations, que vous expérimentez toutes sortes de plaisirs sensuels, tous ces bonheurs sont appelés souffrance par le Bouddha. Pourquoi ? Nous devons commencer par comprendre le critère sur lequel se base le Bouddha pour dire que quelque chose est souffrance. Le Bouddha nous dit « Est souffrance tout ce qui est impermanent ?» Nous devons donc comprendre cela. « tout ce qui est impermanent est souffrance. Y a-t-il quelque chose qui est permanent dans le monde? Pouvons-nous trouver quelque chose qui ne fait que apparaître et qui ne disparaît pas? Il n'y a rien qui dure à jamais. Tout finit toujours par se terminer, tout simplement parce que tout a un début. Dès qu'il y a début, il y a fin. C'est une loi de la nature et nous ne pouvons pas y échapper. Nous sommes nés en tant qu'êtres humains, nous avons débuté nos vies en tant qu'êtres humains, mais nous ne vivrons pas à tout jamais. Un jour, nous mourrons parce que nous aurons atteint la fin de notre vie. Donc, dès qu'il y a début, il y a fin. Quelque chose qui a un début et une fin n'est pas permanent, c'est impermanent. Le Bouddha nous dit, tout ce qui est impermanent est souffrance, dukkha. Ceci veut dire que la souffrance, c'est le fait d'être constamment oppressé, bombardé, tourmenté par les apparitions et disparitions. C'est le fait d'être constamment oppressé par les apparitions et disparitions que le Bouddha qualifie de dukkha, souffrance. Ce n'est donc pas uniquement la souffrance ordinaire, ce n'est pas uniquement la souffrance mentale, la dépression et toutes les autres formes de souffrance. Mais comme tout a un début et une fin, que ce soit agréable ou désagréable, tout est dukkha. Parce qu'il y a constamment ces apparitions et disparitions qui amènent un sentiment d'oppression. Et cela va devenir de plus en plus clair, de plus en plus évident pour vous si vous pratiquez la méditation. Lorsque vous pratiquez la méditation, vous essayez d'être attentif à tous les objets qui se présentent à chaque instant. Vous voyez que quel que soit l'objet que vous observez, il apparaît et disparaît. Il ne reste pas. Par exemple, prenez ma voix pour le moment. Je dis des mots, vous les entendez les uns après les autres. Ils apparaissent pour disparaître, apparaissent pour disparaître. Donc, si vous voyez que tous ces objets que vous observez apparaissent et disparaissent constamment, vous commencez à vous sentir oppressé. Même en ce moment, vous m'écoutez, vous êtes bombardé par les apparitions et disparitions. La personne que vous êtes en ce moment n'est pas la même que celle qui existait il y a 5 minutes ou 10 minutes. Il y a constamment apparition et disparition, et ce processus se passe sans arrêt. Il n'y a aucun répit, aucun espace entre les apparitions et disparitions. Nous sommes constamment et continuellement oppressés par les apparitions et disparitions. C'est cela que le Bouddha appelle souffrance. Si nous comprenons cela, nous pourrons comprendre que les 5 agrégats sont souffrance. Les 5 agrégats, c'est tout dans le monde. Tout dans le monde a un début et une fin, donc tout dans le monde est souffrance. Si nous voulons comprendre les enseignements du Bouddha, et tout particulièrement la première noble vérité, nous devons comprendre la souffrance à ce niveau. Nous ne devons pas nous contenter de la comprendre au niveau ordinaire. Lorsque le Bouddha explique la première noble vérité, il dit « La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la mort est souffrance, la maladie est souffrance, etc. » Tout ceci n'est pas difficile à comprendre. On peut y arriver sans la méditation. Mais le Bouddha termine en disant « En bref, les 5 agrégats d'attachement sont souffrance. Ceci veut dire que tout dans le monde est souffrance. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, les gens n'acceptent pas cette souffrance dont parle le Bouddha. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas réellement ce que le Bouddha veut dire. Lorsque le Bouddha dit que tout dans le monde est souffrance, ou que les 5 agrégats d'attachement sont souffrance, il se réfère à cette définition de la souffrance, de dukkha, le fait d'être constamment oppressé par les apparitions et disparitions. il n'y a pas un seul instant où nous en serions libérés. Il n'y a aucun phénomène, qu'il soit physique ou mental, qui échappe à ce bombardement par les apparitions et disparitions. C'est pourquoi le Bouddha dit que tout dans le monde est souffrance. Si nous essayons de comprendre l'enseignement que le Bouddha nous donne à propos de la souffrance, c'est de cette façon qu'il faut comprendre. Si nous ne comprenons pas la souffrance à ce niveau, nous n'aurons pas compris les enseignements du Bouddha et nous allons sans doute l'accuser de pessimisme. Mais le Bouddha n'était ni pessimiste ni optimiste, il était réaliste. Il nous a enseigné la vérité. Il n'a pas essayé de nous la cacher pour nous consoler. Lorsqu'il a découvert par lui-même que le monde était souffrance, il a tout simplement annoncé que le monde était souffrance. Mais heureusement, le Bouddha ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il y avait une origine à la souffrance, Samudaya Saccha, et qu'il y avait également une cessation à cette souffrance, Nirodha Saccha. Et encore mieux, il nous a enseigné un chemin qui va nous permettre d'atteindre à la cessation de la souffrance, de nous extraire de cette souffrance, Magga Saccha. Voyons maintenant quelle est l'origine de Dukkha. C'est la seconde noble vérité appelée Samudaya Saccha. Il faut comprendre qu'il y a toute une combinaison de facteurs à l'origine de Dukkha. Il n'y a pas qu'une seule cause. Cette noble vérité dit que le désir à propos d'un objet qui est lui-même dû au fait qu'on ne voit pas la véritable nature de cet objet, ce désir est donc l'origine de la souffrance. N'ayant pas vu la véritable nature de cet objet, on laisse le désir se manifester, s'installer, et ainsi l'attachement ou la saisie, upadana, se développe. L'attachement et la saisie sont la cause pour les existences dans le futur. N'ayant pas vu la véritable nature de l'objet qui se manifeste aux portes sensorielles, nous nous mettons à les désirer et l'attachement se présente. Vous laissez, vous autorisez les impuretés mentales s'introduire dans vos pensées. Lobha Tanha est en vous. Tout comme pour Dukkha, il y a des formes subtiles de désir. Il y a des désirs très subtils dont les yogis ne seront sans doute pas conscients, mais qui cependant se manifestent au moment où ils pratiquent. Lorsqu'il aura atteint un certain niveau dans sa pratique méditative, le yogi va comprendre de façon pénétrante, va expérimenter les rapides apparitions et disparitions de phénomènes, Udaya Beyanyana. Il va alors expérimenter des lumières, de la joie, du bonheur et un calme exceptionnel. Ces sensations vont se manifester, mais si elles ne sont pas notées, elles peuvent devenir la cause pour des formes mineures d'attachement et ensuite de saisie. Le yogi s'attache aux bonnes expériences méditatives qu'il a eues. Le yogi doit être au courant de tout cela, sans quoi il pourrait se tromper et penser que ces expériences mentales très subtiles et ce calme exceptionnel sont le chemin et le fruit. Ces expériences vont alors s'accompagner d'orgueil et de vanité. Le yogi a une trop grande confiance en lui. Il pense qu'il est un yogi exceptionnel étant donné qu'il expérimente ces lumières et cette compréhension toute particulière. Il a beaucoup d'estime pour lui-même. C'est donc un écueil que les méditants doivent essayer d'éviter. La cessation de Dukkha. Pourrons-nous un jour nous extraire de cette souffrance? Cette souffrance va-t-elle un jour prendre fin? Heureusement, le Bouddha nous assure que la cessation de la souffrance est à notre portée. Lorsque vous êtes attentif à la véritable nature des objets qui se manifestent par les six portes sensorielles, il est impossible que le désir et l'attachement se manifestent. Vous les évitez. Vous voyez la véritable nature de ces objets, ce qui veut dire que vous voyez qu'ils n'existent que pendant un instant. Vous comprenez qu'ils n'existent que lorsque Nama et Rupa entrent en contact et que la conscience se forme sur base de cet amalgame. S'il est attentif, le yogi pourra voir la véritable nature des objets, et lorsque sa pratique méditative aura atteint des niveaux supérieurs, il obtiendra la vision pénétrante. Le yogi verra de façon authentique qu'il n'y a jamais que deux choses qui existent, l'objet et l'esprit qui note cet objet. Voyant les choses selon leur véritable nature, il fait disparaître les vues fausses et acquiert les vues justes. À partir de ces vues justes, le yogi va pouvoir poursuivre sa pratique et développer les autres facteurs de l'octuple sentier. Le yogi, qui est donc capable de voir les objets selon leur véritable nature, ne va plus développer de désir ni d'attachement. Ces choses ne vont plus s'enraciner en lui. Ceci se passe lorsque le samadhi est devenu puissant et qu'il y a, d'autre part, la détermination à suivre le noble octuple sentier. Vous expérimenterez la cessation de la souffrance lorsque les objets et l'esprit qui note ces objets auront complètement cessé d'exister. C'est Nibbana. C'est la troisième noble vérité, la cessation de la souffrance, Nirodha Saccha. Exactement comme un médecin va vous dire que vous avez une maladie, qu'il y a une cause à cette maladie, que cette maladie peut être soignée et guérie, qu'il faudra que vous preniez tel ou tel médicament. Tout comme ce médecin, le Bouddha vous dit, vous, être vivant, vous souffrez. Il y a une cause à cette souffrance, c'est le désir. Il y a une cessation à cette souffrance, et cette cessation de la souffrance peut être obtenue par la pratique du chemin du milieu ou du noble octuple sentier. Le Bouddha ne s'est pas contenté de nous enseigner la souffrance. Il nous a également enseigné comment se débarrasser de la souffrance. Si nous suivons le noble octuple sentier, nous pourrons mettre fin à la souffrance. Donc c'est à chacun de voir par lui-même ce qu'il veut. Voulez-vous atteindre la cessation de cette souffrance? Si vous désirez réellement atteindre la cessation de la souffrance, il faudra que vous suiviez la quatrième noble vérité, le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Si nous étudions les enseignements du Bouddha, que nous essayons de comprendre ces enseignements, il ne nous suffira pas de les comprendre intellectuellement, il faudra les pratiquer. Les enseignements du Bouddha sont comme ce médicament. Le médicament ne sera efficace que si on le prend. Vous pouvez garder toutes sortes de médicaments à la maison, mais si vous ne les prenez pas, vous ne serez pas guéri de votre maladie. L'efficacité du médicament dépend du fait qu'il est pris ou pas. Si vous ne prenez pas le médicament, vous n'en obtiendrez pas les résultats. Comprendre intellectuellement les enseignements du Bouddha est certainement positif, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre ces enseignements en pratique. Nous devons suivre les enseignements de façon à pouvoir nous débarrasser de la souffrance et des impuretés mentales. C'est pourquoi on considère que la pratique est très importante. On peut même dire que c'est la chose la plus importante. Ce n'est que par la pratique que nous pourrons expérimenter ce que les Bouddhas et les Arhats ont expérimenté. Pratiquer de façon assidue, de façon à comprendre les quatre nobles vérités et atteindre le chemin et le fruit. C'est de cette façon que nous allons pouvoir nous libérer du danger de renaissance dans les plans inférieurs. poursuivons ensuite notre pratique du noble octuple sentier dans le but d'échapper au cycle des renaissances qui est la base de la souffrance. Et finalement, nous aurons mené notre pratique et notre compréhension des quatre nobles vérités à son accomplissement. That's all for today. May you be able to practice where to reach Riyahood. May you be able to see the Four Noble Truths. May you be able to follow the Noble Eightfold Path and obtain the true cessation of suffering, Nibbana.